Deuxième partie. À la réception de l'Hôtel du Nord. Bonjour, mon cher Olivier. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Votre hôtel est convenable? Oh oui, l'Hôtel du Nord est un bon hôtel. Aujourd'hui, nous déjeunons ensemble. Et demain, je prends ma retraite, Olivier. Est-ce que vous voulez connaître un bon petit restaurant? Mais oui, avec plaisir. Eh bien, c'est le restaurant des chauffeurs. Ah, vous aussi, vous connaissez le restaurant des chauffeurs. Mais oui. C'est amusant. Nous connaissons le même restaurant tous les deux. Parfait. En route et à table. Voyons, j'ai mon argent. Oui, parfait. Alors, en route.